Les belles rencontres. Cette semaine, nous vous présentons la conclusion de l'entretien qu'a eu Anne Bergeron avec l'aquarelliste de Whedon, Pierre Casey. Toi, tes toiles, ils ont toujours comme un envoûtement lumineux. Pour créer tant de luminosité, comment tu fais pour accentuer ton ombre avec la lumière? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu fais ton ombre avant, ta lumière avant? Pour les tableaux où la lumière est présente plus que l'ombre, je commence toujours avec la lumière, parce que à l'aquarelle, on travaille toujours sans blanc. Okay. On n'a pas la couleur blanche pour nous aider à amoindrir l'effet de couleur, là. Donc, on commence avec le plus clair, oui. Puis on travaille vers le plus foncé. Okay. Puis c'est à contrôler ces contrastes-là, ces différences-là, que on réussit à faire un tableau. Fait que dans le fond, tu commences toujours par le pâle. Je commence toujours par le pâle, ouais. OK. Parce que dans le fond, l'aquarelle, c'est ça, c'est le pâle, puis le blanc, c'est le papier. C'est le papier. Tu peux pas masquer ton papier, puis reprendre l'huile, on peut le faire. C'est ça. Oui, mais pas à l'aquarelle. Mm. Ça, c'est plus touché, comme on dit, là. Ben, pas vraiment, parce que c'est même avantageux parce qu'on a une couleur de moins à gérer. Ah, ben oui, une couleur de moins à gérer. Puis aussi, tes sujets sont plutôt empreints de réalisme, mais parce qu'ils sont figuratifs, c'est tes toiles, c'est comme avoir des fleurs, des paysages. Mais c'est arrivé quelquefois que t'as fait de l'expérience pour une peinture abstraite? Oui, ben ça arrive de temps à autre. On a eu, il y a quelques années, pendant un circuit des arts, les gens viennent visiter ici l'atelier, puis on a eu l'occasion d'essayer des techniques différentes, là, des vieilles techniques japonaises, qui, entre autres, s'appellent Suminagashi. Oui. Le Suminagashi, c'est de l'encre flottée sur l'eau. Mm-hmm. Et puis, on fait donc, dans un petit bain d'eau, on dépose de l'encre noire chinoise, puis on dépose ensuite dessus une feuille de papier. Ah, oh, c'est juste de l'encre noire? C'est juste de l'encre noire. OK, il n'y a pas de couleur? Non. Ah, bon. Ah. Parce que la représentation à l'encre en Chine, c'est surtout le noir qui prédomine. Oui. Puis la couleur est ajoutée après, si on veut aller plus loin. OK. Mais en déposant la feuille de papier chinois sur l'eau, ben, il se produit un dessin là, qui est hors de notre contrôle, mm-hmm. parce que l'encre se promène sur l'eau. C'est ça, puis tu ne la vois pas parce c'est qu'elle est à l'envers. Puis on a des surprises étonnantes, là. C'est incroyable, des fois, ce qui peut sortir de ça. Mm-hmm. Ma première peinture, ben, je n'appelle pas ça une peinture, là, mais ma première eau à l'encre, il est sorti à peu près 15 oiseaux différents sur la même feuille. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui magique. M'a acheté tout de suite. Ouais, c'est ça. Ah. C'est spécial. C'est, tu prends de l'encre et puis tout simplement. Oui. Ah, ben ça, c'est une belle technique qui est très peu connue. Puis il y en a pas. C'était essayé parce que le chinois ou le japonais là, qui parlait de. Je me souviens pas qui, mais parlait de cette technique-là, disait qu'il faisait ça tous les jours parce qu'il voyait ses rêves se reproduire dans son papier. Ah. On peut dire que c'est peut-être rêvé un peu, là, mais c'est ça. Joli. Ouais. C'est poétique, c'est très joli. Puis, je sais aussi que tu fais une autre technique qui s'appelle Nihonga. Nihonga. Nihonga. Ouais. Tu peux-tu nous l'expliquer, ça? Le Nihonga, c'est du papier chinois ou japonais, mais c'est du papier de riz, là, presque. OK, très fin. Qui est encollé sur du papier d'aquarelle. Puis on commence toujours par faire la peinture sur le papier chinois, qui est une technique mouillée. Et puis ensuite, quand on est satisfait ou qu'on pense qu'on pourrait faire quelque chose de plus avec la peinture, on l'encolle sur du papier d'aquarelle. Mm-hmm. Puis là, à ce moment-là, on laisse sécher, puis ensuite, ben, on remet les détails, puis on pousse la peinture plus loin. C'est une technique très difficile. Oui, parce que... Ça demande beaucoup de patience et beaucoup de contrôle aussi. Puis, si les résultats sont bons, ben ça nous motive à en faire beaucoup plus, puis on l'aime encore plus parce qu'on a travaillé fort. Ça veut dire que tu composes automatiquement avec ce que comme le papier quand il est mouillé, tu peux contrôler, mais des fois tu peux pas tout le temps non plus. Ça, tu composes avec. C'est ça, ouais, parce que là à ce moment-là, on n'est pas en contrôle de ce qui arrive sur le papier. Il y a probablement 80% de chance de contrôle du papier sur le peintre. OK. 80% d'imprévu. C'est ça, oui. Mais ça, c'est vraiment là, aussi des expériences de peintre qui sont vraiment merveilleuses. Oui, ben, quand on aime ça, mm-hmm. on fait ça. Ben oui, ça, c'est vraiment parce que tu adores ça. Puis, on parlait tantôt qu'à l'adolescence, que tu t'étais démarqué beaucoup, mais je pense qu'aussi en tant que peintre, quand tu es devenu un adulte, parce que tu as gagné beaucoup de prix un peu partout, là, depuis même 76, tu as gagné des choses, puis ça n'arrête pas. Ben tant mieux. Parce que c'est ça, tu es allé à des places importantes, comme tu es allé à Martin Charbot Grange. Trampton à Sherbrooke, les sociétés d'histoire de Sherbrooke aussi, puis ici dans la région, les circuits des arts de la montagne, Mégantic, tu as gagné aussi le prix du public aussi, je pense, au Domaine Joly de Lotbinière, c'est-tu le prix du public? Oui, oui ben c'est au Domaine Joly, à ce moment-là, c'est en 2004, hein, ça fait déjà 10 ans de ça. J'ai gagné le deuxième prix du symposium. OK, le deuxième prix, c'est très beau. Fait que tu as fait, même en 97, tu as eu un certificat d'excellence de artiste workbook pour tes paysages d'hiver. Je vais lire ici ce qui est marqué lors d'un concours international, se classant dans les 10 gagnants sur 2500 participants. Hey, ouais, c'est quelque chose, j'étais, ça. J'étais très fier parce que j'avais l'impression que c'était impossible de gagner dans une participation aussi large, aussi grande, parce que ça, c'est des gens de partout au monde qui participaient là. Mais oui, c'est puis ça. De gagner un prix, ça m'a motivé à tel point que j'ai pas arrêté de faire des cartes de Noël. Hein. Ah, c'était oui. à cause de mes cartes de Noël que j'ai gagné. Ah, c'est j'ai beau. J'ai continué jusqu'à maintenant. Des cartes. Ça veut dire que ça te motive jusqu'à 2015, ah, ouais. là, aujourd'hui, là, puis ça va continuer. Ça a été un bon boom pour le cœur. Oui. Mais c'est ça qui est le fun quand des choses de même se présentent dans le parcours de ouais. la vie d'un peintre. Là. Fait que ben, là, tu es exposé un peu partout, tu as fait des symposiums. Fait que c'est à Baie-Saint-Paul, à Magog. Victoriaville, ici, à Whedon. Fait que, tu sais, j'en passe, là, mais... Puis là, t'es toujours aussi actif, de toute façon, dans ta production. Parce que la passion t'habite toujours. Oui, mais je produis moins, comme de raison. Puis j'ai arrêté de faire des symposiums aussi, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de manipulation puis, et d'énergie. Oui, je suis d'accord. Ouais. Parce que... C'est quelque chose, là. Oui, oui, oui, oui. Tout embarquer les tableaux, c'est puis partir ça. les 4-5 jours, oui. puis aller citer là, là. Oui. C'est difficile. Oui, ça, c'est vrai. C'est bon pour les plus jeunes, là. Puis en parlant de plus jeunes, là, oui. La relève, on dirait qu'elle est absente. Ah oui? J'ai remarqué que des jeunes qui font ça, là, il y en a de moins en moins. Quand tu parles de jeunes, tu parles des adolescents? Ben, pas adolescents, ou 20 ans, mais dans la vingtaine? Dans la vingtaine, 30 ans. Ah oui, ah, oui c'est dommage. Il y a beaucoup moins de monde qui s'occupe de ça, les arts. Là. Ah oui. Bon, ben c'est un appel. C'est un appel à tous. Ouais, tu avais remarqué ça? Comment tu as remarqué ça? Ben, parce que justement, quand je vais au symposium ou dans les expositions, ben, je vois pas de jeunes. Ah, OK. C'est tout le monde de notre âge, là. Ben oui. Puis, si la relève n'est pas là, mais à un moment donné, il va y avoir un déclin de ça. Oui. C'est peut-être parce que aussi il y a beaucoup d'installations, hein? Puis ils vont pas nécessairement dans les symposiums ou dans les expositions. Ben, il peut y avoir des installations dans les expositions, mais c'est tout à fait autre chose. Peut-être c'est pour ça que les jeunes sont attirés vers ça. Peut-être, je sais pas. Mais c'est un appel. Mm. Mm. Vraiment, là. Ben là, Pierre, on a fait pas mal, un très petit tour de ta carrière de peintre. Juste, on voulait juste mettre en lumière ce que tu as fait, parce que tu mets tellement de belles lumières dans tes toiles. Alors, mais merci beaucoup pour ce bel entretien si bénéfique, puis et pour l'approfondissement de ton talent créateur. Et c'est bien vrai, qui par la transparence et la lumière, la nature est mise à l'honneur tout en douceur. Ben, un gros merci d'être venu me rencontrer. Mm. Puis je vous souhaite une belle peinture. Merci beaucoup. Puis à la prochaine. Merci beaucoup, Pierre. Alors, bonjour. Bonjour.